Bussé. Il est 9h. Bonjour à tous et à toutes, auditeurs et auditrices de RQC, qui que vous soyez, hein, jeunes ou vieux, grands ou petits, que vous appeliez Claire, Mathias, Juliette ou Claudine par exemple. Bonjour à vous tous, où que vous soyez en ce moment, chez vous, au travail, dans votre voiture ou n'importe où dans le monde sur notre site rqc.be. Comme chaque mardi matin, c'est votre ami Michel qui va vous tenir compagnie pendant les 2h30 qui vont suivre, enfin, du moins si vous voulez bien rester avec moi pendant autant de temps. Hein. Je vous rappelle que l'émission que je vous proposais, d'écouter s'appelle Patchwork et que, comme son nom l'indique, je vais vous proposer des chansons datant aussi bien des années 30 que des années 2000 dans un mélange que je l'espère vous trouverez agréable. J'espère aussi que cette journée du 19 décembre 2017 a bien débuté pour vous et que la semaine qui précède ne vous a apporté que des bonnes choses sur le plan personnel. Et pour commencer, je vous propose d'écouter une chanson datant d'avant les années 50, hein, comme c'est l'habitude, on commence toujours par là. Elle était sortie en 1946, cette chanson, dans un film de Marcel Carné intitulé Les Portes de la Nuit. Yves Montand, qui en était la vedette, y fredonnait quelques mesures de la fameuse chanson. Mais comme le film avait été un échec commercial cuisant, la chanson en question était alors passée totalement inaperçue. Mais Yves Montand croyait au potentiel de ce titre et il l'enregistre dans une version studio 3 ans plus tard, en 1949. Et le succès est alors immédiat. Cette chanson, c'est « Les feuilles mortes », une chanson composée pour la musique par Joseph Cosma et dont les paroles sont de Jacques Prévert. Elle est devenue un énorme succès mondial et elle a été reprise en France par Juliette Gréco, Mouloudji ou encore Jean Sablon. Et à l'étranger, sous le titre de Autumn Leaves, par Frank Sinatra, Nat King Cole et même par Bob Dylan. Mais aujourd'hui, c'est la version originale, celle qu'Yves Montand avait enregistrée en 1949, qu'on va écouter là, tout de suite, sur RQC, bien sûr. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Et sans transition, on passe maintenant de l'année 1949 aux années 60 avec un titre des Beach Boys. Les Beach Boys, un groupe de pop musique américain fondé en Californie en 1961 par les trois frères Wilson, avec aussi un de leurs cousins et un de leurs amis en plus. Ce groupe a connu une extraordinaire popularité dans les années 60 et au début des années 70. C'est un des rares groupes américains qui ait réussi à rivaliser avec les grands groupes anglais, les Beatles, les Rolling Stones, les Kings, les Who et j'en passe. Hein. Les Beach Boys ont commencé à décliner au début des années 70, hein, au début des années 70, en raison notamment de la santé mentale très fragile de leur leader Brian Wilson. Brian Wilson qui composait la quasi-totalité des succès du groupe, comme le célèbre Good Vibrations par exemple, et bien d'autres encore. Brian est cependant le seul survivant des trois frères Wilson malgré sa santé précaire. Il a aujourd'hui 75 ans. La chanson des Beach Boys que nous allons écouter aujourd'hui, c'est Wouldn't It Be Nice. Décidément, mon anglais laisse à désirer. Hein. Elle faisait partie de la bande originale du célèbre film Good Morning England, datant de 2009. Un film qui relatait l'épopée de la radio libre Radio Caroline, qui émettait depuis un bateau en mer du Nord à l'époque, dans les années 60. La chanson en question date de 1966. We could be happy, and then we'd be happy. love, it seems the more we talk about it, it only makes it worse to live. Nicole Croisy, elle a aujourd'hui 81 ans, elle a plusieurs cordes à son arc, hein, car outre ses talents de chanteuse, elle avait d'abord débuté comme danseuse à la Comédie Française, et ensuite elle a été mime dans la compagnie du célèbre mime Marceau. Elle a débuté comme chanteuse dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, et aussi dans les clubs de Chicago aux États-Unis. Elle est connue du grand public français depuis le succès fulgurant des Shabadabada du film Un homme et une femme, hein, de Claude Lelouch, sorti en 66 avec la célèbre chanson de Pierre Barou. Pierre Barou qui nous a quitté à 82 ans, il y a tout juste un an. Hein. Aujourd'hui, c'est une chanson datant de 76 que je vous propose d'écouter. Nicole Croisy nous y parle de la Garonne, c'est le titre de la chanson. Les villages s'appellent Sauterne, Saint-Estèphe ou Saint-Émilion. Les pierres sont belles et la lumière est bonne entre les vignes et la braconne. Toute une enfance à l'ombre de la maison de mon grand-père. J'étais si jeune et je regardais la Garonne. Et je ne pensais à personne quand je rêvais à l'homme à qui plus tard ma vie de femme serait liée. Comme la Garonne qui roule et sonne comme un accent, j'ai la passion d'être amoureuse de tout mon cœur, de tout mon sang. Comme la Garonne qui s'élargit vers l'océan, qui tourbillonne et s'abandonne, j'ai toujours su que je l'aurais, ce grand amour. La forêt et l'océan au bout, la terre nue, les grands pins fourbus, la vie qui m'a comme elle pouvait, mais pas vraiment comme je voulais. Et un après-midi, un de ces orages soudains et qui vous jette la folie en tête sur la peau d'un homme un peu poète, mais qui après tout n'est qu'un homme. J'ai tellement d'amour tout à coup, je te le donne. Comme la Garonne qui roule et sonne comme un accent, j'ai la passion d'être amoureuse de tout mon cœur, de tout mon sang. Comme la Garonne qui s'élargit vers l'océan, qui tourbillonne et s'abandonne, et j'ai toujours su que je l'aurais, cet amour. Comme la Garonne qui roule et sonne comme un accent, j'ai la passion d'être amoureuse de tout mon cœur et de tout mon sang. Comme la Garonne qui s'élargit vers l'océan, qui tourbillonne et qui rayonne, j'ai toujours su que je l'aurais, cet amour. Comme la Garonne roule et sonne, tourbillonne, s'abandonne et rayonne, je savais, je l'aurais, cet amour. Dave Davies est né à Londres il y a 70 ans de cela. C'était le guitariste des Kinks, le célèbre groupe anglais qu'il avait fondé avec son frère Ray Davies, hein, au début des années 60. Malgré les relations souvent orageuses entre les deux frères, qui se jalousaient, le groupe, qui se bagarraient souvent sur scène d'ailleurs, hein, le groupe est resté en activité jusqu'au début des années 90. Dave n'acceptait pas d'être un peu en retrait par rapport à Ray, son frère aîné. Ray qui écrivait seul la quasi-totalité des chansons des Kinks. Dave Davies est connu pour être le responsable du son saturé de sa guitare dans certains titres du groupe comme You Really Got Me ou encore All Day and All of the Night. Il avait tailladé avec un rasoir le haut-parleur de son ampli pour obtenir ce curieux son qui préfigure un peu le hard rock des années 70. Aujourd'hui, c'est une chanson extraite de l'album Chosen People que Dave Davies avait enregistré en 1983 que nous avons écouté. La chanson s'intitule Take One More Chance. C'est un vinyle. Ooh, I don't understand. In this crazy world we live in, just look around, is it true? No one gives a damn. Trapped in a world of illusion, is it too late for us? Luc de la Rochelière est un auteur-compositeur-interprète québécois. Dans les années 80, il obtient de nombreux prix au Canada pour les chansons qu'il compose. Son premier album, sorti en 88, est directement disque d'or dans son pays. Mais Luc de la Rochelière n'a pas réussi à faire carrière en France. Il n'est connu en Europe que par son grand tube datant de 91, une chanson qui a pour titre Cash City, et que je propose d'écouter là tout de suite sur RQC. À noter que Luc de la Rochelière a toujours pas mal de succès au Québec en 2017. Hein. Personne veut être une planète. Cash City. Dans les tours de l'ennui, tout le monde veut voir de l'altitude, de l'altitude. À Cash City, dans une ville qui n'est belle que la nuit. Dans les yeux qui subit, tout le monde danse avec sa solitude, sa folitude. À Cash City. Chacun a son histoire de cul. Et quand revient le jour, tout le monde reste déçu. Tout le monde fait son petit numéro et danse dans son coin. Tout le monde fait le même rêve porno de se tenir la main. À Cash City, tout le monde veut être quelqu'un, car personne n'aime personne. Tout le monde veut être quelqu'un avant que le glam sonne. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne. Personne aime tout le monde, tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne, personne, personne n'aime tout le monde. À Cash City, parfois on sort à Cash City. Dans les tours de l'ennui, tout le monde veut prendre de l'altitude, de l'altitude. À Cash City. Dans une vie si belle que la nuit, dans les yeux si subis, tout le monde danse avec sa solitude, sa folitude. La chanteuse écossaise Katie Tunstall est née à Édimbourg il y a 42 ans de cela, en 75. Cette chanteuse britannique compose toutes ses chansons et elle est aussi une excellente guitariste et une pianiste de talent. Dès son premier album sorti en 2004 et intitulé Eye to the Telescope, un album que j'avais mais que j'ai perdu, je ne le trouve plus. Katie Tunstall connaît le succès grâce à la chanson The Black Horse and the Cherry Tree. Depuis, elle a sorti 5 albums qui ont connu des fortunes diverses. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une chanson de Katie Tunstall datant de l'année 2007. Elle a pour titre Hold On et elle ne dure que 3 petites minutes. What you've been given lately. Dorothée. Je danse et je plais. Tes sensations. Ta musique. Ta génération. Ta génération. De sept lieux, petit frère veut grandir trop vite. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Et comme le veut le principe de cette émission, on va recommencer maintenant un cycle de 6 chansons couvrant les 6 dernières décennies, en commençant par les années 50. Je vous propose d'écouter un titre d'Amalia Rodriguez. Amalia Rodriguez qui est née à Lisbonne en 1920 et qui est décédée dans la même ville de Lisbonne en 1999. Amalia Rodriguez était surnommée la reine du fado. Le fado, c'est un genre musical typiquement portugais. Elle est la chanteuse qui a le mieux popularisé ce type de chanson à travers le monde, et c'était une très grande ambassadrice de la culture portugaise en général. Elle n'a eu en tout que 40 ans de carrière, car elle avait dû s'éclipser pendant 10 longues années après la révolution des œillets en 1974, en raison des liens assez troubles qu'elle entretenait, paraît-il, avec le régime de l'ex-dictateur Salazar, qui avait été chassé par la révolution de 1974. Aujourd'hui, c'est une chanson datant de 58 que nous allons écouter. Amalia Rodriguez nous y parle de sa maison portugaise, puisque s'intitule Una Casa Portuguesa. Senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, São José de Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho e a cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho em caldo verde, verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, um São José de Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. François Béranger nous a quittés prématurément en 2003, à l'âge de 66 ans seulement. C'était un chanteur libertaire français très populaire durant les années 70. Il était issu d'un milieu ouvrier puisque son père était tourneur aux usines Renault et que sa mère était couturière à domicile. À noter que son père est quand même devenu député communiste entre 46 et 51. C'est une belle ascension sociale. François Béranger interrompt ses études à 16 ans en 53 et il entre aux usines Renault. Il s'y plaît pas du tout aux usines Renault, et il crée une troupe de théâtre amateur qui s'appelle La Roulotte entre 54 et 58. Et ensuite il fait la guerre d'Algérie de 58 à 60. Il y fait d'ailleurs allusion de la chanson qu'on va écouter. À son retour du service militaire, il travaille comme régisseur à l'ORTF avant de se lancer dans la chanson.

Daniel Cordier lui trouve un emploi de vendeur de disques sur la prestigieuse avenue des Champs-Élysées, où il a Maria Callas et Miles Davis comme clients occasionnels. Il sort lui-même un premier disque en 64, un disque qui rencontrera seulement un succès d'estime, car il ne se vend qu'à 12 000 exemplaires. Mais il triomphe dès son deuxième disque en 65 avec Capri, c'est fini. Sa carrière est alors durablement lancée. À noter qu'Hervé Villard est le premier artiste français à avoir fait publiquement son coming out en 67, en déclarant à la presse qu'il était homosexuel. Donc c'est là, c'est aussi un écrivain de talent, Hervé Villard. En 2006, il a sorti un roman autobiographique intitulé « L'âme seule », un roman qui, en raison de ses qualités indéniables, sera mis au programme du bac français 2 ans plus tard. Hervé Villard fera ses adieux au public le 5 et le 6 mai prochain à l'Olympia, car il dit, je le cite, « Je vieillis et je n'ai aucune envie de faire pitié ». Aujourd'hui, c'est une chanson datant de 73 qu'on va écouter. Elle s'intitule « Tous les enfants ont besoin d'amour ». Quand un enfant a connu la peur et que ses yeux n'ont plus de couleur, réchauffe-le dans tes bras, il a toujours eu si froid. Quand un enfant a connu l'hiver, en plein soleil sous un ciel d'enfer, protège-le de la nuit, il n'a plus rien dans la vie, dans la vie. Les enfants ont besoin d'amour, besoin d'amour. Il a toujours la chaleur cachée au fond de son cœur. Tant qu'il y aura un enfant sur terre qui aura froid ou peur de la guerre, on ne pourra s'arrêter de crier et de chanter, de chanter. Les enfants ont besoin d'amour. Froid ou peur de la guerre, on ne pourra s'arrêter de crier et de chanter, de chanter. Les enfants ont besoin d'amour. Et on passe maintenant donc aux années 80 avec l'anglaise Kate Bush. Kate Bush qui avait enregistré son premier album donc en 1978 alors qu'elle n'avait que 18 ans. Elle avait été repérée par David Gilmour, un membre fondateur de Pink Floyd. Gilmour qui voyait en cette toute jeune fille une future très grande artiste, ce en quoi il avait tout à fait raison, comme l'avenir l'a prouvé. La chanson de Kate Bush que j'ai choisi de vous faire écouter date de 1985. Elle a pour titre Cloud Busting. Elle est extraite de l'album Hounds of Love, un album que la talentueuse jeune femme qui était devenue Kate avait sorti alors qu'elle n'avait encore que 25 ans. Le clip vidéo de la chanson est resté dans les annales en raison de la participation active de l'acteur Donald Sutherland qui jouait gratuitement car il admirait beaucoup Kate Bush. après, après Kate Bush en 1985, on en revient maintenant aux années 90 avec un titre extrait d'un album que George Moustaki avait sorti en 1996. George Moustaki qui est mort il y a déjà 4 ans, à l'âge de 79 ans. Dans cet album intitulé « Tout reste à dire », Moustaki avait demandé à Nilda Fernandez d'enregistrer avec lui cette chanson moitié en français, moitié en espagnol, une chanson dont le long titre est « Demande de réparation pour dommages de guerre » et qui fait bien sûr allusion à la guerre civile qui a eu lieu en Espagne en 1936 et qui a abouti à la longue dictature du sinistre général Franco. Véronique Sanson, qui avait depuis des années de très gros problèmes avec d'alcoolisme, sort en 2004 un très bel album intitulé « Longue distance », un album où elle évoque ouvertement ses problèmes dans une chanson. Cette chanson, c'est « La douceur du danger ». La douceur du danger qui deviendra aussi le titre d'un livre dans lequel Véronique nous explique tout à propos de son addiction à l'alcool. Aujourd'hui, c'est une autre chanson phare de ce très bel opus que nous allons écouter. Elle a pour titre « J'aime un homme ». Et Véronique l'avait écrite pour son ex-mari, l'humoriste Pierre Palmade, qu'elle avait épousé en 1995 et dont elle avait divorcé en 2001, tout en restant en très bons termes avec lui. La preuve, en 2004, elle écrivait encore pour lui « J'aime un homme ». Du moins je l'aurais juré. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est comme vous et moi. du miel. J'étais à un doigt de le tuer par le feu ou le fer. Mais les contrepoisons ont eu raison de ma déraison. Oh, j'ai espéré le pire pour qu'au moins vous puissiez tous en rire. Oh, j'aime un homme et j'avoue, je peux pour lui qu'il m'abandonne. Le jour où il ne trouvera plus personne, qu'il se heurte à mon vrai mur d'indifférence. C'est 95 FM. Et pour débuter une nouvelle série de 6 chansons balayant les 6 décennies qui précèdent, je vous propose d'écouter maintenant une chanson datant de l'année 1959 et interprétée par Judy Garland, qui avait alors 37 ans et à qui il ne restait plus que 10 ans à vivre puisqu'elle nous a quittés en 69 à l'âge de 47 ans, donc d'une overdose de barbiturique mélangée à une surconsommation d'alcool. Il faut dire que la mère de Liza Minnelli était prématurément usée par toutes sortes d'excès, dont sans doute une addiction à la cocaïne. Je vous laisse pour 3 minutes en compagnie de l'interprète du célébrissime Over the Rainbow, une chanson qu'elle avait interprétée en 1939, 20 ans plus tôt que ce Chicago que je vous propose d'écouter là, tout de suite sur RQC, et qui date donc de 1959, comme je l'ai dit. C'est en live. Stop and stare. I saw a man dancing with his own wife, and you will never guess where. Chicago, Chicago, that toddling town, the toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago. Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna stay, I just wanna stay. They do things they don't do on Broadway. Say, they had the time of their life. I saw a man who danced with his wife in Chicago. Fields, come and walk with me along the lake to the drake, holler and hoop all through the loop. Shout how now to Mrs. O'Leary's cow. No, she, life is peachy. Chicago, we'll meet at the pump room, Ambassador East, to say the least, on shish kebab and breast of squab, we will feast and get free. Sin is rampant and rife. Think of that man who danced with his wife in Chicago. Chicago. I'm in a shindy for that wonderful windy François de Gaelt, l'un des seuls crooners français des années 60, nous a quittés en 2014 à l'âge de 81 ans. Il était né à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, et avait ensuite fait des études dans un lycée parisien du très chic 16e arrondissement. En 1949, il prépare une licence de philosophie qu'il abandonne en 51 pour chanter dans un cabaret de Montmartre, le Tire-Bouchon. Le Tire-Bouchon qui, je crois, existe encore toujours en 2017. Il a écrit ses premières chansons en 52 et à cette époque, il aide Jacques Brel. Jacques Brel qui débutait à ce moment-là. Il l'aide à trouver des engagements dans des cabarets montmartrois. En 56, il obtient le prestigieux prix de l'Académie Charles Cros. C'est vraiment un prix important à l'époque. Malheureusement, il doit partir effectuer son service militaire en Algérie en 58. À son retour en 60, son public ne l'a pas oublié et il passe cette année-là en vedette à l'Olympia, puis à Bobino. En 65, c'est le jackpot pour lui car il signe le grand tube de l'été de cette année-là, le célèbre Le Ciel, Le Soleil et la Mer, et cela en pleine période yéyé alors qu'il est un chanteur déjà un peu considéré comme ringard. En 2006, François de Gaelt est choisi comme maître de cérémonie pour la toute première édition de la tournée à Achetant et Tête de Bois. Une mission dont il s'acquitte avec beaucoup de talent. La chanson que nous allons écouter s'intitule maintenant, s'intitule Colombe. Et elle faisait partie de l'album où figurait justement le ciel, le soleil et la mer. Ce qui fait qu'elle a été un peu éclipsée lors de sa sortie en 65. Mais c'est quand même une très belle chanson. Colombe, mon ami. Colombe, mon amour. Ma tendre maladie. Ma joie. Chaque jour, colombe au cœur sincère, mon sourire très doux, mon regard de lumière, mon dernier rendez-vous, amour de mes amours perdus que je ne verrai jamais plus. Ma vie commence entre tes bras, ma vie commence. Enfin par toi, Colombe, mon ami, Colombe, mon amour, je t'aimerai longtemps, je t'aimerai toujours. L'amour s'en vient, l'amour s'en va, mais toi, Colombe, tu m'aideras. Je veux y croire une autre fois, et c'est pour toi, Colombe, mon ami, Colombe, mon secours, ma tendresse infinie, Colombe, mon. On ne présente plus le groupe ABBA, hein, ce groupe suédois fondée en septembre 72 par deux filles, Agnetha et Anifrid, et deux garçons, Benny et Björn. Deux prénoms commençant par un A, les prénoms des filles, hein, et deux autres commençant par un B, ceux des garçons. L'anagramme des initiales de ces quatre prénoms, ça donne ABBA, ABBA. Ce groupe a vendu des centaines de millions de disques à travers le monde, entre 140 millions et 500 millions, selon les estimations qui sont variables. Il a duré tout juste 10 ans, jusqu'en 82. Et depuis, les hommages se multiplient, hein. Le summum ayant été atteint avec le spectacle Mamma Mia, une comédie sentimentale à succès, créée sur scène en 99, et dont un film de cinéma avec Meryl Streep sera tiré plus tard, en 2002. Une suite est même envisagée pour l'année 2018, hein, toujours avec Meryl Streep, mais aussi avec la chanteuse Cher de Sonny & Cher. Aujourd'hui, c'est une des plus célèbres chansons d'ABBA que je vous propose d'écouter. Il s'agit de la célèbre Reine qui danse, Dancing Queen, un des plus grands tubes emblématiques de l'ère disco. Hein. Et c'est un vinyle. Faire de mon temps libre. Hey, t'es bien tombé pile sur RQC.

ferme les yeux et sur l'écran de mes paupières closes. Alors certainement, toi, tu verras quelque chose. Mise au point sur toi. La jeune chanteuse rousse de Hasselt, Fabienne de Mal, dont le nom deviendra, dont le nom d'artiste deviendra tout naturellement Axel Red, puisqu'elle est rousse, à 31 ans, en 99, quand elle sort un très joli album intitulé Toujours Moi, c'est déjà son troisième opus. Elle est une vedette de la chanson depuis 6 ans, car en 1993, elle avait sorti le très grand tube qui était la chanson Sensualité. Puis elle s'était un peu mise en retrait du showbiz pendant quelques années pour s'occuper de ses petites filles. À 31 ans, elle nous prouve avec ce troisième album qu'elle n'a rien perdu de son talent. Écoutez plutôt cette très belle chanson que j'en ai extraite pour vous. Elle a pour titre « Ce matin ». Je me sens si bien, je n'ai plus besoin de rien. La vie est belle, facile comme tout. Je subis tes câlins. Je sommeille à côté de toi. Je respecte pas, ça me convient à tel point que j'oublie les soucis qui me guettent au pied de mon lit. Et quoi qu'elle m'apporte ma journée, tu me dis que tu piges pas, qu'on se crée des ennuis, quand tout peut être si simple, qu'on n'a besoin de rien. La vie est belle, facile comme nous. Je réponds que je sais pas, que j'ai sommeil, que ça se voit. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de ces gens qui se nouent. Moi j'oublie, moi je t'aime. Après tout, c'est pas mon problème. Et quoi qu'elle me porte ma journée, on ne pourra plus me la gâcher. Me stresser, tu souris ce matin. Je me sens bien. Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951, 6 jours avant mon épouse, que j'embrasse au passage. Il se fait d'abord connaître en tant que chanteur, mais le groupe, avec le groupe Taifong, avec lequel il sort le tube Sister Jane. Mais c'est en chantant en solo qu'il deviendra encore plus populaire, hein, dans les années 80. Il sort alors tube sur tube. Il suffira d'un signe en 81, quand la musique est bonne en 82, puis après je marche seul et j'en passe. Hein. De 90 à 95, il chante en trio avec l'américaine Carol Fredericks et le franco-gallois Michael Jones. Et puis il recommence ensuite une carrière en solo. Il compose alors des albums complets aussi pour d'autres artistes comme Johnny Hallyday ou Céline Dion. Jean-Jacques Goldman s'est aussi beaucoup engagé dans les Restos du Cœur avec son ami Coluche. Il en composera d'ailleurs la chanson emblématique. Et ce n'est qu'à 2 ou 3 ans qu'il s'est un peu éloigné des Restos. Dans son 7e album solo, sorti en 2001 et qui s'intitule « Chanson pour les pieds », Goldman veut faire danser les gens. Et il enregistre 12 titres évoquant différentes sortes de danses, comme entre autres la gigue, la tarentelle, le slow, le zouk, etc., etc. L'album remporte un très grand succès puisqu'il se vend à 1 600 000 exemplaires, c'est énorme. Ce sera pourtant le dernier album de Jean-Jacques Goldman, qui depuis 2001 s'est mis un peu en retrait du showbiz. La chanson que j'ai extraite pour vous de cet album « Danse avec les pieds », c'est « Tourne les violons » et c'est une tarentelle. Grande fête au château il y a bien longtemps, les belles et les beaux nobles y au noble sang, de tout le royaume en est venu dansant. Tourne les violons, tourne les violons, tourne et s'en vont. Tourne les violons, tourne les violons. Grande fête aux rameaux et Manon à 16 ans, servant en ce château comme sa mère avant. Elle porte les plateaux lourds à ses mains d'enfant. Tourne les violons, tourne les violons, tourne et s'en vont. Tourne les violons, tourne les violons. Le bel uniforme, le beau lieutenant, différent des hommes d'ici, blond et grand. Le sourire éclatant d'un prince charmant. Tourne les violons, tourne les violons, tourne et s'en vont. Tourne les violons, tourne les violons. Redouble la fête et les rires et les danses, Manon s'émerveille en remplissant les panses. Le bruit des lumières, c'est lui qui s'avance. Tourne les violons, tourne les violons, tourne et s'en vont. Tourne les violons, tourne les violons. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche. Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Tu es bien jolie dans un divin sourire. Tourne les violons, tourne les violons, tourne et s'en vont. Tourne les violons, tourne les violons. Passent les années dures et grises à servir, une vie de peine et si peu de plaisir. Mais ce trouble-là brûlant ses souvenirs. Tourne les violons, tourne les violons, tourne et s'en vont. Tourne les violons, tourne les violons. Elle y pense encore et toujours. Les violons, le décor et ses mots de velours. Son parfum, ses dents blanches, les moindres. Tourne les violons, tourne les violons. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche. Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Juste 4 mots, le trouble d'une vie. Juste 4 mots qu'aussitôt il oublie. Tourne les violons, tourne les violons, tourne et s'en va. Tourne les violons, tourne les violons, les violons. Elle y pense encore et toujours. Elle y pense encore et encore. Thank you. Et à 10h23, sur l'horloge du studio d'RQC, il est plus que temps pour moi de vous présenter ma petite séquence de musique classique. Je vous propose aujourd'hui d'écouter le final de l'opéra de Richard Wagner, qui s'intitule en allemand Die Götterdämmerung et en français Le Crépuscule des Dieux. Ce célèbre opéra, termine Le Ring. Le Ring, c'est cet ensemble de quatre œuvres, cette tétralogie donc, et qui est unique dans le monde de l'opéra. Wagner l'avait composé pendant 25 longues années de sa vie et la tétralogie a été jouée intégralement pour la première fois en 1876 lors de la première saison du Festspielhaus, ce théâtre flambant neuf que le roi Louis II de Bavière avait fait construire à Bayreuth pour Wagner, dont il était un grand amateur, un grand admirateur. La représentation intégrale du Ring occupe donc 4 soirées et dure près de 16 heures en tout. La première présentation de 1876 est un triomphe et Wagner peut enfin savourer, 7 ans avant sa mort, le fruit de ses 25 ans d'efforts, grâce au roi Louis II de Bavière, hein, il faut bien le dire. Sans lui et sans le théâtre à la conception très originale qu'il a offert à Wagner dans la ville bavaroise de Bayreuth, jamais la tétralogie n'aurait pu être représentée dans des conditions aussi idéales. On va donc écouter ensemble le final du Crépuscule des Dieux, qui s'achève donc par l'un des sommets de la musique de tous les temps. Cette dernière page symphonique évoque l'anéantissement du Valhalla, la demeure des dieux, sous un océan de feu plutôt, tandis que la rédemption par l'amour annonce enfin l'avènement d'un monde meilleur, où il ne sera plus un monde qui ne sera plus régi ni par l'or ni par le désir de gloire, mais par la seule valeur absolue, l'amour. Joli programme qu'on devrait appliquer dans le monde d'aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Mais assez bavardé comme ça, je vous laisse pour 4 minutes et demie avec ce superbe final du Crépuscule des Dieux, interprété par l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, sous la direction de Georges Sébastien. Si vous entendez par-ci par-là des petits craquements, c'est parce que c'est un enregistrement vinyle. Et après cette superbe musique de Richard Wagner, on passe en transition aux années 60 avec un titre de Jean Ferrat. Jean Ferrat qui nous a quittés en 2010 à l'âge de 79 ans. Auteur de chansons à texte, il alternait toujours durant sa carrière les chansons sentimentales, les chansons engagées et aussi les chansons poétiques, comme celle que nous allons écouter tout à l'heure. Reconnu pour son grand talent de mélodiste, Jean Ferrat a mis en musique et popularisé de nombreux poèmes de Louis Aragon. Et toute sa vie, il est resté fidèle à ses idéaux communistes, hein, tout en demeurant très démarqué du Parti communiste français sur de nombreux sujets comme la répression du printemps de Prague en 68 et ou bien encore le bilan globalement positif, je cite, du stalinisme défendu par Georges Marchais, l'auteur de la citation. Jean Ferrat s'est retiré de la scène à 42 ans seulement et donc il est peu présent dans les médias depuis, hein. Mais il demeure toujours très populaire, il demeurait toujours très populaire malgré tout. C'est un des grands de la chanson française, au même titre que Brel, Brassens ou encore Léo Ferré. Aujourd'hui c'est une chanson de sa veine poétique que nous allons écouter, elle date de 1965, cette chanson elle s'intitule « Raconte-moi la mer ». Raconte-moi la mer, dis-moi le goût des algues, et le bleu et le vert, qui danse sur les vagues. La mer, c'est l'impossible, c'est le rivage heureux, c'est le matin paisible quand on ouvre les yeux. C'est la porte du large ouverte à deux battants, c'est la tête en voyage vers d'autres continents. C'est voler comme Icare au-devant du soleil, enfermant sa mémoire à ce monde cruel. La mer, c'est le désir de ce pays d'amour qu'il faudra découvrir avant la fin du jour. Raconte-moi la mer, dis-moi ces aubes pâles, et le bleu et le vert, où tombent des étoiles. La mer, c'est l'innocence du paradis perdu, le jardin de l'enfance où rien ne chante plus. C'est l'écume et le sable toujours recommencer, et la vie est semblable au rythme des marées. C'est l'infinie détresse et des choses qui s'en vont, c'est tout ce qui nous laisse à la morte saison. La mer, c'est le regret de ce pays d'amour que l'on cherche toujours et qu'on n'atteint jamais. Raconte-moi la mer, dis-moi le goût des algues, le bleu et le vert qui danse sur les vagues. Jean-Patrick Capdevielle a aujourd'hui 72 ans. Son dernier album, Bienvenue au Paradis, est sorti en 2016 sur Internet seulement. Il a été produit par financement participatif, c'est-à-dire par des donateurs privés qui ont réussi sur Internet, justement, en seulement 4 jours, qui ont réussi à réunir donc les 30 000 euros nécessaires à l'élaboration de l'album en question. C'est vous dire que les fans de la première heure n'ont pas oublié Capdevielle, qui avait connu son heure de gloire à la fin des années 70 avec des chansons comme « Quand t'es dans le désert » et encore bien d'autres, hein. Aujourd'hui, c'est une chanson du premier album de Jean-Patrick Capdevielle que je vous propose d'écouter. Cet album date de 79 et s'intitule « Les enfants des ténèbres et les anges de la nuit ». La chanson que j'en ai extraite pour vous, c'est « Elle est comme personne ». Elle parle jamais d'hier, pour elle demain c'est trop loin. Elle peut pas tomber, y'a rien qui la protège. C'est juste une collectionneuse de sortilèges. À minuit quand tous ses bracelets sonnent, elle est comme personne. Quand le soleil qui plonge à la fin du jour s'élance, en refait chiffonner noué sur ma vie. La buée de sa bouche enfiévrée, mais vite, même le silence me crie abandonne. Elle est comme personne. Écoute un peu mes mots. T'en vas pas petite, toutes mes forces me quittent. J'ai jamais voulu te voler ni ta. J'ose pas me regarder dans l'eau que ses mains retiennent. Elle dit de quoi t'as peur et mon orgueil explose. Les portières de ma raison se sauvent. Le jeu de ses doigts m'emprisonne. Elle est comme personne. Quand tout le monde est courbé sous le vent des fausses nouvelles, quand les écrans des théoriciens malades vomissent leur mot venin, elle s'évade. Quand le vent muet et tourbillonne, elle est comme personne. Écoute un peu mes mots. Mes forces me quittent, j'ai jamais voulu te voler ni t'arracher les haillons, les larmes et les chaînes, tout ce que t'as appelé ta liberté. Seulement connu deux ou trois nuits clandestines. Et soudain mes passions seules des carrières. Ma cour est vide et mon escalier résonne. Elle reprend jamais les pleurs qu'elle me donne. Elle est comme personne. Elle avait pas demandé le brouillard de mes serments vides. Et quand j'ai mal je me plains pas de la brûlure. Venu seul à genoux devant sa serrure. Quand mes derniers espoirs plafonnent, elle est comme personne. Écoute un peu mes mots. pas petite, toutes mes forces me quittent. J'ai jamais voulu te voler ni t'arracher les haillons, les larmes et les chaînes, tout ce que t'appelais ta liberté. C'est donc à l'instant Jean-Marie Capdevielle. Capdevielle qui est l'un des seuls artistes français, à mon avis, à avoir réussi à approcher efficacement l'univers de Bob Dylan. Justement, dans les années 80, la carrière de Bob Dylan n'est pas à son zénith. Il enchaîne des albums sans grand intérêt, car il est alors touché par la grâce divine et il s'est converti au catholicisme, lui qui était d'origine juive. Sa conversion imprègne malheureusement ses chansons de l'époque et heureusement le Canadien Daniel Lanois lui fait enregistrer en 89 l'album de la Renaissance. Cet album a pour titre « Oh Mercy ». En français « Oh Mercy » ça veut dire à peu près « Oh Pitié ». Cet album-là est particulièrement réussi et je vous propose d'en écouter un très joli extrait. La chanson s'intitule « Where Teardrops Fall » en français « Où tombent les larmes ». The soft winds blow far away from it all. There is a place you go where teardrops fall. Far away in the stormy night, far away and over the wall. You are there in the flickering light where teardrops fall. Slowly and play the fife lowly. You know the song in my heart. In the turning of twilight, in the shadows of moonlight, you can show me a new place to start. I've torn my clothes and I've drained the cup, stripping away at it all, thinking of you when the sun comes up. Well, teardrops fall. By rivers of blindness, in loving with kindness, we can hold up a toast if we meet. To the cutting of fences, to sharpen the senses that linger in the fireball heat. Roses are red, violets are blue, and time is beginning to crawl. I just might have to come see you where teardrops fall. Et on passe maintenant aux années 90 avec Vanessa Paradis. Vanessa Paradis qui aura déjà 45 ans à la fin de cette année, comme le temps passe. Comme chacun le sait, Vanessa a connu la célébrité dès l'âge de 14 ans avec Joe le Taxi. Et depuis, elle mène une brillante carrière aussi bien dans le domaine de la chanson que dans celui du cinéma. Actuellement, elle est à l'affiche du deuxième film de Guillaume Gallienne, un film qui s'intitule Marilyn et que je vous recommande d'aller voir tout à fait cessante, car c'est un petit chef-d'œuvre d'émotion avec une fabuleuse actrice qui s'appelle Adeline Dermy et qui fait partie de la comédie française, tout comme Guillaume Gallienne. La chanson que nous interprétait Vanessa aujourd'hui est une reprise d'un titre de Lou Reed. Elle figurait dans le deuxième album solo du chanteur new-yorkais. Très ouvertement, cette chanson, donc sortie en 72, donc évoquait des sujets très très chauds, comme la transsexualité, la fellation, la drogue et j'en passe. Hein. Pourtant, curieusement, Walk on the Wild Side, puisque c'est de ce titre qu'il s'agit, échappera à la censure et connaîtra un très grand succès à la radio, aux États-Unis comme en Grande-Bretagne. Vanessa Paradis l'avait fait figurer sur son album de 1990, intitulé « Variations sur le même thème », thème écrit T'A-I-M-E. Un album écrit, à part ce titre bien sûr, hein, pour les textes par Serge Gainsbourg et pour les musiques par le regretté Franck Langolf. Mais là, pour l'instant, c'est Walk on the Wild Side qu'on écoute. USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a sheep. She said, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey, take a walk on the wild side." Candy came from out on the island. Back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given a head. She said, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey babe, take a walk on the wild side." And the car goes go doop doop doop doop doop doop doop doop doop. Take a walk on the wild side. Said, "Hey Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. You should have seen him go, go, go. They said, "Hey, sugar, take a walk on the wild side." I said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." All right. Ha. Jackie is just spinning away. Thought you was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Volume would have had that back. She said, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey, take a walk on the wild side." And the car girls say, "Do do do do do do do do do do do do do do do do." Thank you. Kate Nash a grandi dans le quartier populaire londonien de Harrow, ce qui explique le délicieux accent cockney qu'elle arbore dans la plupart de ses chansons. À ses débuts, Kate Nash chantait essentiellement des reprises de Robbie Williams et dans ses premiers concerts, mais très vite elle se met à composer elle-même ses propres chansons. Elle a alors créé une page sur le site internet MySpace, ce qui lui a permis de se faire connaître d'un large public de jeunes, mais aussi de trouver un impresario et des producteurs. C'est ainsi qu'à 20 ans seulement, elle réussit à sortir un premier album très réussi intitulé Made of Bricks. Désormais, Kate Nash a seulement 30 ans, en 2017, et on espère qu'elle retrouvera vite l'inspiration de ses débuts. Aujourd'hui, c'est un extrait de cet album de 2007, Made of Bricks, que je vous propose d'écouter. La chanson a pour titre Mariella. Je vous laisse pour un peu plus de 4 minutes en compagnie de Kate Nash et de Mariella, donc. I'm heavy-handed. To say the least. My mother thinks I'll be an awful clutcher. 'Cause I spill things from sternum too quickly. I'm far too loud. It's like as soon as I've got an opinion, it just has to come out. I laugh at stupid things just 'cause they tickle me. Sometimes I wish I was like Mariella. She got some prick stick and she glued the lips together. So she never had to speak, never had to speak, never had to speak. People used to say she's as quiet as a mouse, she just doesn't make a peep. She marched to her wardrobe and she threw away the collar. Because wearing black looks mysterious, but it didn't impress her mother. She wanted to dress a baby in patterns and flowers, but Mariella just crossed her arms and so she cried for hours. Mariella, Mariella, my pretty baby girl, unglue your lips from being together and wear some pink and pearls. You can have your friends round and they can stay for tea. Won't you just try to fit in, please do this for me. But Mariella just crossed her arms and she walked up the stairs and she went into her bedroom and she sat on her bed and she looked in the mirror and she thought to herself, if I wanna play, I can play with me. If I wanna think, I'll think in my head. At school, Mariella didn't have many friends. Yeah, the girls, they all looked at her and they thought she was quite. They thought Mariella was just going through a phase, but Mariella just smiled and she skipped down the road because she knew all the secrets in her world. Yet she always got the crossword puzzles right. Besoin d'infos? Envie de retrouver un titre diffusé? Découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. Et on commence maintenant une nouvelle série de 6 chansons couvrant 6 décennies, en commençant comme d'habitude par les années 50. Aujourd'hui, c'est une chanson de Serge Gainsbourg datant de décembre 1959 que nous allons écouter. Cette chanson qui s'intitule « L'eau à la bouche » aurait pu constituer une séquence cinéma puisque Gainsbourg l'avait écrite pour le film éponyme de Jacques Doniol Valcroz, un film sorti au début de l'année 60, en même temps que le 45 tours vinyle 4 titres où figurait la chanson. Cette chanson constitue le premier vrai succès discographique de Serge Gainsbourg, car le 45 tours s'est vendu à 100 000 exemplaires, soit 20 fois plus que les 4 précédents 45 tours qu'il avait déjà enregistrés. Voici donc l'eau à la bouche de et par le regretté Serge Gainsbourg. Procol Harum est un groupe britannique aux accents baroques qui s'est formé en 1967. Ce groupe figure parmi les précurseurs principaux du rock dit progressif. Son premier succès, c'est le célèbre slow A Wide Shade of Pale. On peut même parler de véritable triomphe à propos de cette chanson. Le leader et chanteur de Procol Harum, c'est Gary Brooker. Gary Brooker qui a toujours démenti que le nom du groupe, qui en latin signifie « au-delà de ces choses-là », Gary Brooker donc qui a toujours démenti que ce nom soit une marque de mépris vis-à-vis des productions du moment qui auraient été jugées médiocres, hein, et que eux, les Procol Harum, allaient au-delà de ces trucs-là. La chanson Hamburg qu'on va écouter maintenant est sortie en vinyle en 67, peu après l'extraordinaire succès de Wide Shade of Pale, ce qui a un peu éclipsé cette jolie chanson qui mérite d'être redécouverte, je trouve. Voici donc Hamburg par les Anglais de Procol Harum avec la belle voix de Gary Brooker. Multilingual business friend has packed her bags and fled, leaving only Asheville ashtrays and the lipstick on Mayfair. The mirror on reflection has climbed back upon the wall. For the floor she found the sender, and the ceiling was too tall. Your trousers cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Town clock in the market square stands waiting for the hour. When its hands they both turn backwards, and on meeting will devour both themselves. Signposts cease to sign. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Plastic Bertrand a déjà 63 ans, son vrai nom c'est Roger Jouret, il est né d'un père français et d'une mère ukrainienne et pendant sa jeunesse il suit des études musicales très solides. À 23 ans il rencontre l'auteur-compositeur Lou de Preek en Belgique, nous sommes en 1977 et Lou de Preek voit en Roger Jouret une potentielle vedette du mouvement punk qui a alors un succès fou en Angleterre. Il rebaptise son poulain Plastic Bertrand, Plastic IC, hein, comme l'explosif. Et il compose pour lui un premier album extrêmement intéressant, un album dont le hit « Ça plane pour moi » se vendra à plus d'un million d'exemplaires en quelques semaines seulement. Maintenant, en 2017, on en est à plus de 8 millions d'exemplaires vendus, ce qui assure à Plastic Bertrand une jolie rente viagère, hein, et surtout à Ludo Preek d'ailleurs, puisque c'est lui qui l'a composé. À l'époque, surgit une polémique, des mauvaises langues prétendent que c'est Lou de Preek qui chantait sur le premier album Plastic Bertrand. Et les mauvaises langues semblent bien avoir eu raison, car Plastic a fini par reconnaître les faits dans le journal belge Le Soir, après beaucoup de réticences. Aujourd'hui, c'est la délirante adaptation de Bambino de Dalida que j'ai extrait pour vous de l'album, du premier album de Plastic Bertrand. Je vous laisse donc avec la voix de Lou de Preek en 1977, mais officiellement c'est Plastic Bertrand qui chante, et c'est la version vinyle. Les yeux battus, la vie de triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. C'est dans la rue, tu rôles comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous ta fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. chanter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur se vieillira. L'amour et la jalousie. Claude Nougaro nous a quitté en 2004 à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer du pancréas. Il faut dire que Claude ne buvait pas que de l'eau. Nougaro était bien sûr né à Toulouse et c'était un grand amateur de jazz, de musique latino, brésilienne mais aussi africaine. Claude Nougaro jouait beaucoup sur le rythme des mots hein, dans ses chansons. Réécoutait plutôt le jazz à la Java, Une petite fille en pleurs, À bout de souffle, Armstrong, Danser sur moi ou encore Tu verras pour vous en persuader. Après une longue traversée du désert, pendant les périodes disco, Nougaro, qui avait été remercié par Eddie Barclay pour cause de ventes médiocres de disques, Nougaro donc vend sa maison en France et part pour New York avec toute sa famille. Là-bas, il enregistre en 1987, sous un label différent bien sûr, hein, la chanson Nouga York avec des pointures de la musique américaine de l'époque, notamment des musiciens qui travaillaient alors pour Stevie Wonder, excusez du peu, hein. On écoute donc ce Nouga York qui relancera définitivement la carrière de Nougaro puisqu'il vendra 500 000 exemplaires de cette chanson. Il paraît qu'Eddie Barclay s'est alors mordu les doigts d'avoir congédié Nougaro quelques années plus tôt. Hein. Elsa Lunghini a aujourd'hui 44 ans. Elle est la nièce de l'actrice Marlène Jobert, puisque sa maman est la sœur de la célèbre comédienne. Elle est donc aussi la cousine de l'actrice Eva Green, par la même occasion, puisque Eva Green est la fille de Marlène Jobert. Hein. De 86 à 2007, elle est connue sur son simple prénom d'Elsa, et en 2008, après son album intitulé Elsa Lunghini, elle reprend définitivement son patronyme complet. Hein. Elsa est la fille de Georges Lunghini qui évolue depuis toujours dans le milieu artistique, puisqu'il est à la fois comédien, photographe et compositeur de musique. Dès 1981, à l'âge de 8 ans seulement, Elsa joue un petit rôle dans le film Garde à vue de Claude Miller, un film où on pouvait voir Romy Schneider, Michel Serrault, Guy Marchand et Lino Ventura. Elsa tourne ensuite dans plusieurs autres films, dont La femme de ma vie de Régis Warnier en 1986 avec Jane Birkin, Christophe Malavoy et Jean-Louis Trintignant. Et pendant ce film, elle s'essaie à la chanson. Elle a alors 13 ans. Et elle y interprète le titre « T'en vas pas ». La chanson obtient un immense succès et Elsa se retrouve première du top 50 à 13 ans seulement. Cette chanson a été composée par l'italien Romano Musumara. Ensuite, la carrière d'Elsa connaîtra des fortunes diverses. Hein. Ainsi, aujourd'hui, c'est le quatrième single d'Elsa, sorti en 1980, quand elle avait 17 ans, que nous allons écouter. La chanson a pour titre « Qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut lui faire ?» L'album, tout comme ce titre d'ailleurs, a obtenu un succès assez mitigé. Il faut dire que l'album en question portait un titre prédestiné, puisqu'il s'intitulait « Rien que pour ça ». La chanson « Qu'est-ce que ça peut lui faire ?» parle donc d'un amour contrarié, celui d'une femme aimant un homme qui est indifférent aux sentiments qu'elle éprouve pour lui. Je propose de l'écouter tout de suite, ici sur RQC. Mais Roméo s'en fout. Jamais. Karenan Zeidel est une excellente auteure-compositrice. Et elle est née en Israël en 1974 et elle a la triple nationalité israélienne, bien sûr, néerlandaise et française. Ses compositions sont souvent d'un style folk, parfois matinée de rock. Elle est devenue célèbre en coécrivant en l'an 2000 avec Benjamin Biolay l'album Chambre avec vue pour Henri Salvador et notamment la chanson Jardin d'hiver qui a relancé la carrière du vieux chanteur. Aujourd'hui, c'est un extrait du cinquième album de Karenan que je vous propose d'écouter. Cet album, sobrement intitulé Karenan, est sorti il y a tout juste 10 ans, en 2007. Et la chanson que j'ai en extrait pour vous a pour titre Lay Your Head Down. Je vous laisse pour près de 5 minutes en compagnie de Karenan, donc. Let's RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Et après cette jolie chanson de 2007, typique de l'univers musical de Karen Anne, on en revient à des temps plus reculés avec une chanson que je me sens obligé de vous passer aujourd'hui, car dans 5 jours, c'est Noël. Il s'agit du célèbre White Christmas, une chanson créée en 1942 par Bing Crosby et composée par Irving Berlin. Cette chanson, dont les paroles étaient chargées de nostalgie, avait beaucoup touché le public américain dès sa sortie, et les G.I.s qui avaient débarqué en France en juin 1944 la chantèrent très souvent le 24 décembre de cette année-là. Vers la fin de la guerre, White Christmas est devenu le single le plus vendu de tous les temps, avec 50 millions d'exemplaires écoulés. Aujourd'hui, c'est la version que Bing Crosby avait réenregistrée en 1947, 5 ans après la première version que nous allons écouter. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like Et c'est donc avec Bing Crosby et sa version de White Christmas que s'achève ce 13e Patchwork de la saison 2017-2018. Patchwork, une émission que vous propose chaque mardi matin dès 9h, votre ami Michel, une émission qui dure donc 2h30 et même parfois un peu plus. J'espère que les chansons que je vous ai passées aujourd'hui vous ont plu et qu'elles ont parfois, qui sait, remué quelques souvenirs chez vous, de bons souvenirs bien sûr. Aujourd'hui, c'est exceptionnellement sur la version instrumentale de White Christmas, enregistrée par le grand harmoniciste belge Toots Thielemans, que nous allons nous quitter. Et oui, Noël oblige, hein, un Noël que je souhaite bien joyeux, un peu en avance. Hein. À noter que mardi prochain, nous serons le 26 décembre, je ne serai exceptionnellement pas à l'antenne pour cause de vacances de Noël, et donc on se retrouvera seulement le 2 janvier. J'espère que cette journée du mardi 19 décembre sera une bonne journée pour vous, et j'espère aussi que la semaine qui vient se déroulera elle aussi au mieux, avec un beau réveillon dans quelques jours. J'espère donc vous retrouver fidèle au rendez-vous l'année prochaine, le 2 janvier, comme je vous l'ai dit, pour ma première émission de l'année 2018. Ciao à tous et à toutes. Je vous laisse avec la jolie musique de White Christmas, interprétée par Toots Thielemans. À l'année prochaine. De mon temps libre. Hey, t'es bien tombé, pile sur RQC. Passionné? Envie de partager et animer ta propre émission? Rejoins une équipe motivée et volontaire au sein de la doyenne des radios libres. RQC recrute. Envoie ton courrier à RQC, Animation Média Picardie, au 2 à rue Roger Salengro, à 7700 Moucron, ou par mail à bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Qui sait? En jaune, en vert, tu la craie. Chromosphère, chromosome, héliosphère. The purpose behind. À la craie. Escapade matinale, nos doigts et le sable. The purpose behind. À la craie. L'univers, son dessin caché.